Chapitre 5. Affronter Edwin Tililan, un sabre à la main, revient à se jeter nu entre les griffes d'un tigre des prairies affamées. C'est ce que prétendent de nombreux spécialistes sans savoir de quoi ils parlent. On peut vaincre un tigre affamé. Seigneur Sahil Muran, journal de bord. Le soleil était haut et la chaleur étouffante lorsque la troupe atteignit un bourg qui s'étirait le long d'une rivière, l'Aimante. Ils s'installèrent à la terrasse d'une taverne ombragée par des arbres immenses, aux feuilles parfaitement rondes. Pendant que Maniel et Artis Valpierre partaient à la recherche d'un cheval à acheter, Maître Douhomme commanda les repas. Il jeta un œil soucieux à l'intérieur de sa bourse. « J'espère que l'empereur veillera à me dédommager, » soupira-t-il. « Cette expédition me coûte cher. »« Tu sais très bien, » lança Edwin, « que tu ne raterais ce qui se passe pour rien au monde, même si cela devait te coûter jusqu'à ta dernière pièce. »« C'est vrai, » admit le vieil analyste. « Et je serais prêt à donner bien davantage, mais un remboursement de Silla Fian serait tout de même le bienvenu. » Loin de compatir, Edwin sourit avant de se tourner vers Camille. « Nous allons traverser une série de villages cet après-midi. » La région est assez peuplée. Nous ne risquons donc pas grand-chose. Ce soir, nous devrions atteindre les lacs Ostengard. Nous camperons là-bas. Demain, nous aborderons les collines de Taj. C'est, avec la Grande Prairie, un des endroits les plus sauvages du Sud. Il nous faudra être prudents. Nous risquons de faire de drôles de rencontres. Quel type de rencontres ? Interrogea Salim. Des hommes ou des bêtes ? Un mélange des deux. Les collines sont sauvages, mais, jusqu'à présent, la garde impériale veillait sur la piste qui les traverse. Les choses ont changé. La dernière fois que j'y suis passée, j'ai repéré des traces d'ogres. « Des traces de quoi ?» s'écria Salim. « D'ogres. Je pensais qu'on n'en trouvait plus au sud d'Ombreuse, mais apparemment certains ont trouvé refuge dans les collines de Taj. Vous nous faites marcher, pas vrai ?» questionna Salim d'un air dubitatif. « Les ogres n'existent que dans les contes !» Il regarda tour à tour les adultes assis à la table. Elana lui adressa une mimique compréhensive, mais ce fut Bjorn qui confirma. « Ils existent, bonhomme, » certifia-t-il, « bien que le seul que j'ai vu ait été empaillé. Ça a suffi pour m'enlever toute envie d'en rencontrer un vivant. »« À quoi ressemble-t-il ?» s'enquit Camille. « Ils mesurent jusqu'à 3 mètres de haut et sont à moitié aussi larges, » exposa Edwin. Ce sont des humanoïdes carnivores incroyablement agressifs qui vivent seuls ou en petites bandes. Salim poussa un sifflement. « De sacrés animaux » constata-t-il. « Ce ne sont pas des animaux, du moins pas vraiment, » intervint Maître Douhomme. « Ils ont une certaine vie sociale et un langage rudimentaire. Ils utilisent des outils, des armes simples et certains ont été vus avec des vêtements. Y aura d'autres surprises de ce genre ?» s'inquiéta Salim. Plus nous monterons vers le nord, plus ces surprises, comme tu dis, seront nombreuses, confirma Edwin. Un ogre n'est rien par rapport à une goule ou à un brûleur, et les frontaliers font de ce type de monstre leur pain quotidien. Les frontaliers ? Ce sont des hommes et des femmes qui habitent une citadelle dans les marches du nord. Ils surveillent la montagne depuis des générations, et plus particulièrement les frontières de glace, le seul passage praticable dans la chaîne du pôle. Je croyais qu'il y avait la guerre là-bas, remarqua Camille. Et que les Raïs avaient passé les montagnes ? C'est exact. Mais la citadelle est toujours là. Les frontaliers sont coriaces, même pour les dents des Raïs. Certains prétendent que, si l'Empire tombait, seuls les hommes du Nord continueraient à résister. La fierté inhabituelle qui résonnait dans la voix du maître d'armes intrigua Camille. Ce fut Maître Douhomme qui leur donna la clé. Au cas où vous ne l'auriez pas deviné, notre valeureux guide est né dans la citadelle des frontaliers. C'est là qu'il a grandi et qu'il est devenu ce qu'il est. Vrai, Edwin ? Le retour de Maniel et Artis interrompit la conversation. Ils avaient acheté pour le rêveur un beau cheval gris pommelé qu'ils attachèrent avec les autres. Ils repartirent en début d'après-midi, après un repas pris dans une atmosphère de franche camaraderie. J'ai l'impression d'avoir toujours vécu ici, souffla Salim à Camille, alors qu'il grimpait dans le chariot. Camille approuva. C'était exactement ce qu'elle ressentait. Ils arrivèrent au lac Ostengard alors qu'il faisait encore grand jour. Mais s'en tenant à ce qu'il avait décidé, Edwin ordonna la halte. « Pourquoi ne pas continuer un peu ?» s'étonna Bjorn, Ce serait stupide de nous engager de nuit dans les collines, expliqua Edwin. Nous serons obligés d'y dormir deux fois, cela suffit. Nous n'aurions de toute façon aucune chance de trouver un campement aussi accueillant que celui-ci. L'endroit, en effet, était magnifique. Des arbres majestueux, ressemblant à des cèdres, descendaient jusqu'au bord d'un lac limpide. Le sol était recouvert d'un tapis d'aiguilles et de gros rochers blancs s'élevaient sur le rivage jusque dans l'eau. Camille et Salim, qui avaient supporté vaillamment la chaleur, coururent se rafraîchir. « Je pars chasser notre dîner, » avertit Edwin. « Tu sais tirer à l'arc, Bjorn ? À peu près aussi bien que je couds, » répliqua le chevalier. Edwin se tourna vers Elana qui précisa. « Je ne sais pas coudre, mais je touche une pièce à 100 pas avec une flèche. » Bjorn la dévisagea, dubitatif. « Je peux te le prouver, » le défia-t-elle. « Prends une pièce entre tes doigts et place-toi contre cet arbre là-bas. » Le chevalier parut soudain très embarrassé. Elana sembla toutefois considérer que la preuve de son talent était établie et n'insista pas. Elle fouilla dans son sac, en sortit 3 pièces de bois incurvées qu'elle assembla en un clin d'œil. L'arme montée était fort différente du grand arc de chasse d'Edwin, mais n'en paraissait pas moins dangereuse. La jeune femme fixa un carquois de cuir dans son dos, puis se tourna vers le maître d'armes. « Je suis prête !» Ils s'enfoncèrent entre les arbres. Bjorn contempla avec envie les adolescents qui s'amusaient dans l'eau. « Je pense que si Edwin est parti sans nous faire de recommandations, c'est qu'il n'y a aucun danger, » décréta maître Duhom. « Tu peux aller te baigner la conscience tranquille. » Le chevalier se tourna vers Maniel et Artis. « L'aventure vous séduit-elle, compagnon d'armes ? » lança-t-il. Le rêveur refusa immédiatement, mais Maniel accepta avec plaisir. Maître Duhom et Artis Valpierre, assis sur la berge, les regardèrent entrer dans l'eau. « Tu n'as pas l'air très heureux de te retrouver parmi nous, » constata l'analyste. « Je ne crois pas qu'il soit ici question de bonheur, » répondit le rêveur. « J'ai fait vœu d'obéissance. Maître Carboast m'a demandé de vous accompagner, je vous accompagne, voilà tout. »« Ce n'est guère flatteur pour nous, » remarqua le vieil analyste. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. »« Aucune importance, » soupira Maître Duhom. « Montons le camp pendant que ces enfants s'amusent. » Quand Edwin et Elana revinrent avec de gros rongeurs ressemblant à des lapins géants, des cris provenant du lac les incitèrent à s'approcher de la rive. Salim, juché sur les épaules de Bjorn et Camille perchée sur celle de Maniel, se livraient un combat acharné tandis que leurs montures les encourageaient en vociférant. La paire que formaient Salim et Bjorn finit par basculer, et leurs adversaires poussèrent des hurlements de joie. « Un bain ?» proposa Elana à Edwin. « Excellente idée !» Près du chariot, Artis ouvrit de grands yeux. « Elle ne va tout de même pas se déshabiller ?» jeta-t-il à Maître Duhom. « Je ne savais pas que tu me trouvais si laide, » répliqua Elana qui avait entendu. « Ta réflexion est un peu vexante et m'enlève l'envie de me baigner nue. Tant pis pour toi. » Le rêveur devint écarlate. Camille regarda Edwin et la jeune femme entrer dans le lac côte à côte. Elle sourit en remarquant qu'ils formaient un couple vraiment bien assorti. « À quoi tu penses ?» s'enquit Salim. À rien, microbe. À rien que tu puisses comprendre pour l'instant. Dès que les baigneurs sortirent de l'eau, Edwin alluma le feu. Il embrochait un rongeur lorsqu'Elana appela Salim. Tu es prêt ? C'est l'heure de ton premier entraînement. Le garçon se leva avec une mine réjouie. Je peux venir ? Demanda Camille. Elana la jaugea un moment du regard et finit par secouer la tête. « Non, désolé. Nous allons commencer un vrai travail. Il ne doit pas y avoir de spectateurs. » Elle avait l'air extrêmement sérieuse, et Camille n'insista pas. « Elle ne veut tout de même pas en faire un mar... » commença Bjorn, tandis qu'Elana et Salim s'éloignaient entre les arbres. Il se tut lorsque Camille lui donna un coup de coude dans les côtes. « Il est inutile de frapper cet homme à cause de moi, » l'informa Artis Valpierre. J'appartenais au groupe de rêveurs qui a soigné Mademoiselle Caldine. Je sais qu'elle est une marchombre. J'ai vu son matériel et le reste. Le reste ? Répéta Bjorn. Quel reste ? Artis devint une nouvelle fois écarlate. Maître Duhom eut un rire sec et inquiet. Les marchombres forment une guilde très secrète. Rares sont ceux qui ont pu déshabiller un de ses membres et l'examiner, c'est ça, Artis ? Le rêveur ne répondit pas. « Je ne comprends rien, » marmonna Bjorn. Le vieil analyste secoua la main. « Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. » La nuit était presque tombée et la viande rôtit à point lorsque Salim et Elana regagnèrent le camp. Salim avait un air ravi que Camille ne lui avait jamais vu. « Génial !» se contenta-t-il de lui dire. « C'était génial !» Plus tard, lorsque le feu fut devenu braise et que les animaux nocturnes commencèrent à se faire entendre, tout le monde se prépara à dormir. Edwin avait tenu à mettre en place une garde, plus par habitude que par réelle nécessité. Quand Maniel prit le premier tour, Camille eut une pensée pour Hans, mort en veillant sur eux. Elle l'avait peu connu, mais elle commençait à se lier avec Maniel, et cela la rapprochait de son ancien ami. Elle souhaita du fond du cœur qu'il n'y ait pas d'autre drame, tout en pressentant que son vœu ne serait peut-être pas exaucé. Il y eut quelques bruits de corps qui bougeaient en cherchant le sommeil. Puis ce fut le silence. Camille s'endormit.